Sedex, aventure, rencontre, conversation. Sedex est de retour après quelques semaines d'absence. J'ai choisi de ne pas avoir de rythme régulier pour me permettre de maintenir une qualité dans les rencontres que je vous présente, et cette semaine je discute avec Titi. Quand j'ai emménagé à Montreuil, je suis allé me faire couper les cheveux chez lui et on a pas mal discuté. Au fil de ces conversations, je me suis rendu compte qu'il avait vécu beaucoup de choses dans la nuit parisienne des années 80 et qu'il avait beaucoup de choses à raconter. Alors que pour un autre projet, je cherche à documenter les origines gays du Marais, je l'ai interviewé et voici ce qu'il en est ressorti. Premier épisode des aventures parisiennes de Titi. Nous, dans le milieu homo, encore aujourd'hui, il faut attendre 40 ans, 50 ans, voire même. C'est-à-dire que le mec, bon, bah, une fois qu'il a fait son rôle de père, voilà, maintenant il va penser à lui. Et comme il y a eu les phénomènes Kardashian, le mari de Kardashian, donc tout le monde, voilà, simplement il faut avoir les moyens. Et puis moi, je vais te dire un truc, à l'âge de 14 ans, j'avais des hanches de meuf. J'étais vraiment très très très androgyne. J'ai eu des gens qui, même un jour devant ma mère, un mec qui a posé 10 000 francs. Et le mec, il m'a dit, moi je te paye l'opération, je te paye tout. J'ai dit, mais t'as rien compris. Moi j'aime ma bite, j'aime mon cul et j'aime me travelouter. Moi mon excitation première, c'est peut-être perso, mais moi ce qui me fait bander, c'est moi quand je suis dans ma salle de bain et que je fais la transformation de l'homme à la femme, que je vais porter les talons, que je vais mettre les bas, que je vais m'habiller. C'est ça, mon kiff. Après, c'est du show. Mais en fait, tous et toutes, que ce soit lesbienne ou homo, à partir du moment où on fait un show, je veux dire que quand on est face au miroir, c'est notre kiff. Ça, il n'y a pas photo. Ah ouais. Il n'y a pas photo. C'est une jouissance intérieure. Après, voilà, après tu t'inventes, donc t'es la salope du coin, t'es la bourgeoise, t'es voilà, tu vois, tu t'inventes. Moi, c'est, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui me disait, Titi, la nuit, c'est ton meilleur psy. Tant que quand tu arrives chez toi, tu te mens pas. C'est-à-dire que tu pousses la porte et tu sais que t'es Titi, t'es Thierry, tu redescends d'un cran, t'es plus la Cathy Guettas, voilà, et t'es toi. Donc, voilà, moi à partir de là, je m'hydratais, j'ai vraiment une éducation par rapport à ça, par rapport à la drogue, par rapport à la nuit. C'est d'ailleurs pour ça que à 49 ans, je vis aussi bien, parce que justement, j'ai grandi avec des Espagnols, et la mode espagnole, c'est tu fais ce que tu veux, mais un moment tu rentres chez toi, avant de partir en after, tu prends une douche, tu t'hydrates. Voilà, si tu as fait la fête le week-end, le lundi tu restes chez toi, tu manges des fruits, tu t'hydrates, tu... Bon, prends soin de toi. Mais bien sûr, au jour d'aujourd'hui, moi je voyais à We Love Green, les gens ils étaient chez père. Bon, pas de... moi, quand je me drogue, j'ai envie de regarder des gens en face de moi, j'ai envie de sourire, j'ai envie qu'il y ait un truc qui se passe, quoi. Tu vois, moi, si c'est juste pour me fumer, me défoncer, être assis et puis regarder les gens et puis faire ouais. Super, tu vois, je communique même pas avec mon mec, tu vois ce que je veux dire, ça m'intéresse pas. Et d'ailleurs, là j'étais invité à la Concrète, j'y suis pas allé parce que j'ai pas envie de voir des gens, tu vois, avec la bouche à l'envers. Non, moi je voilà, j'ai envie de belles personnes, j'ai envie de voilà, tu vois. Moi, c'est vrai que dans les années 80, j'allais dans les boîtes prendre des capotes. Quand j'ai vu le film de Cyril Collard, Les Nuits Fauves, j'allais dans les boîtes, j'avais pas les moyens de me payer des capotes. Donc, je me remplissais les poches au maximum de gel, de lubrifiant, machin, nanana. J'allais sur les quais. Va te dire pourquoi. J'arrivais à déceler les gens qui étaient en phase finale et je leur disais, mon gars, il faut que tu prennes une capote. Et le langage que j'avais, moi je pars, mais je partirai pas tout seul. Tu vois ? Le langage dans les années 80, c'était ça. C'est-à-dire que les mecs en prison, ils trouaient les capotes parce qu'ils ne voulaient pas partir tout seuls. Et ouais. Ou ils n'aimaient pas les homos. Il y avait aussi ça. Et puis d'un autre côté, les gens qui étaient sur les quais, ils te disaient clairement, moi, si je dois partir, je ne partirai pas tout seul. Et là, je les regardais, je disais, mais tu te rends compte, moi j'ai 14 ans, tu ne peux pas me dire ça. Toi, tu as fait ta vie, et moi, tu vas me planter, tu vas me couser, et qu'est-ce que va devenir ma vie ? C'était assumé comme discours ? C'était un truc que les gens portaient, quoi, genre, ouais, complètement. Ah ouais. Complètement. Complètement. T'avais vraiment l'homo qui est pas sous trithérapie parce que ça n'existait pas à l'époque, mais voilà. Et puis bon, t'avais des choses qui étaient dures à digérer, donc c'était pas évident. Et t'avais en parallèle des gens qui savaient qu'ils étaient plombés, parce que c'est ce qu'ils disaient. Ils disaient, moi je suis plombé et je plomberai pas tout seul. Donc t'es là, tu te dis, putain, le mec il a 50 ans. C'est pas cool, quoi, tu vois. En plus de ça, à l'époque, il faut quand même savoir une chose, c'est que dans ces lieux de drague, pendant que tu te faisais baiser et tout, l'autre, il était en train de te fouiller dans les poches pour te tirer soit ton portefeuille ou... Ah oui. Ouais, ouais. C'était... on dit les années 80, des années d'opulence, de... Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Parce que parce qu'il y avait des gens qui avaient du pognon et voilà, coffraient. Mais en parallèle, il y avait quand même quelque chose de très dangereux. Et pour s'assumer, c'était pas évident. Moi, c'est vrai que j'ai eu la chance dans ma vie de revendiquer mon appartenance. Et les gens, quand ils me voyaient, ils savaient à qui ils avaient affaire. Donc, je ne leur montais pas sur la marchandise, tu vois. Donc, de ce fait, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'hétéros avec qui je parlais. Et ils me disaient, mais ouais, mais toi, l'homo, c'est quoi ton kiff, machin et tout. Et moi, je disais, mais attends, toi, avec ta meuf, c'est quoi ton kiff ? C'est devant ou derrière ? Et puis un jour, Canal Plus m'appelle, nulle part ailleurs, et ils me disent, voilà, on fait un reportage et tout, machin, non, on a entendu parler de toi, on aimerait bien t'avoir. Ok, donc ça parlait un peu de la mode et tout. Et moi, direct, je dis, bah en fait, si je suis ce que je suis, c'est grâce à ma mère. Mais je passais à midi, donc je me disais, je sais que nulle part ailleurs, à 20h, c'est... mais à midi, moi, je me disais, t'as personne, tu vois. Donc je dis, moi, c'est grâce à ma mère, je lui dois tout... mon homosexualité, elle a accepté, machin, nanana, nanana. Et ils m'ont beaucoup. Du coup, le sujet a été axé sur ça, sur l'homosexualité. Je sors de l'émission. À l'époque, t'avais pas Facebook, t'avais pas ces trucs-là. C'était un plateau. C'était un plateau télé. Ouais. Je vais dans une soirée, et là, je vois des mômes. Super le reportage. J'ai adoré ce que t'as dit. T'es là, tu te dis, putain, merde, non seulement je pensais pas qu'il y avait des gens qui allaient écouter, mais en plus de ça, les gens qui m'ont écouté, c'est des hétéros, c'est des jeunes. Et ils sont en train de me dire qu'ils kiffent, qu'ils respectent, tu vois. C'était la génération qui arrivait derrière, c'est-à-dire métrosexuel, voilà, tous ces trucs-là, tu vois. Un peu plus ouverte, quoi. Complètement. Tu dis que t'es arrivé très jeune dans le milieu de la nuit. Est-ce que tu peux raconter comment c'est arrivé ? Est-ce qu'il y a eu un moment décisif ? Est-ce qu'il y a eu... Enfin, c'est quand même... c'est quand même pas anodin le fait que tu arrives à 14 ans dans le marais, quoi. Comment alors, ça... alors moi déjà tout petit, moi j'ai un souvenir à la maternelle ou alors de la sieste, je virais toutes les nanas autour de moi, Et je ne dormais pas à côté, mais sur le mec. Donc, moi, mon homosexualité, je le savais. À partir du moment où ma mère l'a validé, moi, après tout le reste, j'en ai rien à foutre. Tu vois ? Et j'ai d'abord dit à ma mère, parce qu'elle nous avait mis en internat, j'ai d'abord dit à ma mère que j'étais homosexuel. Après, dans la foulée, je lui ai dit, bon, maintenant, il faut que tu saches une chose. Moi, le mercredi, je fais le mur, je travaille au palace, je travaille dans telle boîte, et voilà, quoi. Donc, elle m'a foutu une claque, parce qu'elle, elle faisait deux boulots pour nous nourrir. Et elle ne comprenait pas. Et je lui dis, maintenant, je vais t'emmener dans ces boîtes-là, que tu rencontres les gens. Parce que je voulais que les gens de la nuit la rassurent. C'est-à-dire, votre fils, il est homo, mais ce n'est pas un tapin. Lui, c'est quelqu'un de la nuit et il n'ira pas tapiner. Et elle a eu beaucoup de témoignages. Donc, à partir de là, elle m'a fait confiance. Tu vois ? Tu faisais quoi au palace ? Au palace, je dansais. Je dansais. J'avais la chance de faire 1,85 déjà. Donc, voilà. Et puis, c'est l'époque où il y avait des gogo dancers. Alors, ça ne s'appelait pas gogo dancer, mais disons que tu dansais, tu avais du style, c'était génial. Moi, j'arrive la première fois au palace. Je rentre avec qui ? Avec un mec qui s'appelle MC Solar, Tonton David et Didier de NTM. Mais on n'est que des blacks, il n'y a pas de meufs. On se dit, comment on va faire pour entrer ? Je vois Clémentine Salarié passer. Et je lui dis, excusez-moi, voilà, je vous explique. On est cinq blacks, on n'a pas de copine. Elle me dit, allez-y, venez. Et elle nous fait rentrer comme ça. Moi, direct, je vais sur la piste de danse et je danse. Et là, je vois un mec qui vient et tout, il me dit « Il faudrait que tu ailles au troisième étage parce qu'il y a une black qui veut faire ta connaissance, elle adore ton style. » Je vais au troisième étage, sur qui je tombe, Wes Jones. Et pendant 4 ans, tous les soirs, j'étais avec Wes Jones. Et tous les soirs, on faisait la rumba. À l'époque, c'était facile parce que tu dansais, tu avais du style. Moi, Johnny me disait, tiens, viens, tiens. Alors, c'est vrai que j'amusais la galerie, ça, je le savais. Mais voilà, je dansais avec une telle, je dansais avec un tel. On me prenait en photo, on me disait, tiens, après, tu viens avec nous, on va à tel endroit. Voilà, moi, j'ai découvert des endroits hallucinants parce que les gens aimaient ça, tu vois. L'un n'allait pas sans l'autre. Qui disait la nuit, disait forcément, il faut que tu aies une créature ou quelqu'un de looké dans tes connaissances. Voilà. Grace Jones, à l'époque, c'était qui ? Alors, Grace Jones, à l'époque, elle était mariée à... elle avait fait la pub Citroën. Alors, Grace Jones, c'est La Vie en Rose. Voilà. Et elle était sponsorisée par Citizen, les voitures. Et donc, voilà, à l'époque, elle avait une coupe. Et moi, je vais chez mon coiffeur, je lui dis, tu me fais la même coupe que Gagéus. Je vais au palace et on me prend vraiment pour son frère. Donc, elle m'a dit, vas-y, Travlo. Alors, elle m'appelait Travlo, elle me disait, toi, Travlo, on va jouer ensemble. Et on a joué comme ça. Donc, elle avait un sosie qui, lui ressemblait vraiment comme deux gouttes d'eau. Et lui, il se baladait à poil. Dans la boîte ? À poil. Donc, des fois, on disait, mais Gagéus, c'est une femme ou un homme ? Et on en jouait. Et moi, on me prenait souvent en photo avec elle en me disant, c'est son petit frère. Donc moi, j'en jouais aussi tant qu'à faire. Ouais. Alors, moi, mon grand frère, il n'a pas du tout accepté. Et là, on est début 80. On est début 80. Ouais. C'est lui qui m'a poussé à dire mon homosexualité à ma mère. Donc j'ai fait trois pages. Moi, je suis allé dormir dans une boîte où je connaissais le mec, et le mec me dit, bah écoute, il n'y a pas de souci, tu restes là, tu peux même dormir à l'appartement, il n'y a pas de souci. Bon. Et puis, au bout de trois jours, je rentre chez moi, et ma mère me dit, et devant mon frère, elle me dit, mais attends, moi, c'est moi qui t'ai accouché, j'ai vu que tu jouais à la poupée et pas au foot. Voilà. Bon. Donc moi, super content. Et puis, en fin de compte, je me rends compte que je vais continuer, mais je vais devoir cacher des choses à mon frère parce que j'ai une telle complicité avec ma mère. Ma mère et moi, on est cul et chemise, elle sait tout. Elle sait tout. Je lui cache rien. Même s'il faut le dire 10 ans après, mais je lui dirai. Et un jour, on annonce à mon frère que bah, ma mère, je l'emmène au palace et tout. Et l'autre, il a pété un boulon. Ah ouais. Mais un boulon. Et ça a été, de toute façon, toi, t'es un PD. Enfin, il assumait pas de voir que son frère était PD, quoi. Il assumait pas, tu vois. C'est quel genre, ton frère ? Mon frère, c'est le queutard, l'hétéro-queutard. Voilà. Viril. Ouais, ouais, complètement. Je pense que il y a un truc qui le titille par rapport à l'homosexualité, mais bon, il a du mal à assumer. On était une vitrine, et face à nous, on n'avait pas un, mais des couples de province. Donc, soit t'avais le mec de province qui se cherche, qui machin, soit t'avais le couple qui vivent très bien ensemble, mais qui viennent passer le petit week-end à Paris pour avoir un peu de folie. Voilà, donc ces gens-là, ils ont un peu d'argent, ils vont payer la bouteille pour avoir quelqu'un à leur table. Voilà, il y avait tout un business comme ça. Et puis à l'époque, c'était la mode aussi des bars un peu à karaoké, où tu avais quand même des artistes. C'est d'ailleurs pour ça que le Banana Café est le Banana Café. Parce que autant en haut, bon, voilà. Mais en bas, tu avais le piano bar. Et tu avais des gens qui arrivaient, par exemple Muriel Robin, elle débarquait, hop, avec un chanteur, hop, on showcase. Tu es là, tu dis, mais super, quoi. Tu vois, Patrick Juvet, super, quoi, tu vois. J'irai pas le voir en concert, mais là, c'est génial, quoi. Et puis, ce qui était génial aussi, moi, c'est comme ça aussi que c'est une partie de la nuit. Les spectacles étaient à 4h du matin. Donc, j'étais en apprentissage, je dormais, je me réveillais à 3h du matin, j'allais en taxi chez Michou, chercher, en fait... des prestataires qui bossaient soit au palace ou bien au scorpion ou bien parce que autour du palace t'avais plein de petites boîtes homo et donc à 4 en fait dans la nuit tu faisais 5 boîtes mais moi dans les années 80 je me suis fait des thunes mais hallucinant. Au jour d'aujourd'hui on te dit bon tu fais 3 passages dans la même boîte et tu te prends 150 euros, tu fermes ta gueule. À l'époque, tu avais chauffeur, tu arrivais dans les loges, boisson, machin, nanana. Voilà, tu avais tout ce que tu voulais, quoi. C'était hallucinant. Ouais, tu étais la star, quoi. T'étais la star, et puis on te mettait bien, tu vois. Au jour d'aujourd'hui, moi, la dernière fois, je sais plus dans quelle boîte et tout, ouais, laisse passer deux travelots, quoi. Tu vois. Le mépris. Mais carrément. Voilà, bon, donc il y avait les spectacles à 4h du matin. Moi j'ai eu la chance à l'époque du Boy de rencontrer monsieur et madame Martin, donc c'était les propriétaires de l'Olympia. Et donc quand je faisais. Avant Cocatrix. Exactement. Okay. Et quand je faisais le spectacle avec les copines ou pas, après Je demandais à monsieur et madame Martin, je disais, oh, j'en supplie. Il me dit, mais Titi, mais faut que t'arrêtes. Je dis, mais s'il te plaît. Et moi, mon kiff, en fait, c'était d'aller dans les couloirs. Moi, l'histoire, quoi, de savoir l'histoire de Paris, ça m'éclatait. Donc, j'allais dans les couloirs, t'avais les dédicaces d'Edith Piaf, de machin, et en plus de ça, t'avais les commentaires de monsieur et madame Martin qui disaient, ah, mais si tu savais à l'époque, machin, tu vois, etc. Voilà, quoi. Petite anecdote, un jour, on avait déjà la boîte dans le boy, on avait le sosie de Stéphanie de Monaco. Génial. Et un jour, la vraie Stéphanie arrive, et je ne sais pas ce qu'elle fait, bref, deux videurs arrivent, il la chope par les cheveux, il la remonte par les escaliers, en pensant que c'était la drag queen. Le lendemain, elle portait plainte pour elle, pour la famille, et on a fait fermer le boy. Et c'est comme ça que le boy est devenu une grande surface. C'était où le boy ? Raconte-moi un peu. Rue Comarque. Derrière l'Olympia. Ok. Et c'était un lieu... Ah, c'était un lieu mythique. C'est-à-dire que t'avais le centre, donc le Marais, le Palace et compagnie. Ouais. Et après, du côté de Palais-Royal, t'avais une boîte qui s'appelait le 7, qui était dans un immeuble. Tu rentrais vraiment, c'était que par bouche à oreille. T'avais un videur à l'entrée. Et après, tu descendais les marches. T'avais une salle voûtée. Et là, c'est là où j'ai vu, moi, ma première transsexuelle DJ. Black, grosse lunette comme ça. Et, la meuf, et elle passait de la techno. J'avais, à l'époque, je ne savais pas ce que c'était. Tu vois ? Voilà. Et t'es là, et tu m'ouvres et tu te dis, putain, mais c'est quoi ? C'est du délire, quoi. C'est excellent.